night, je suis foncé. Je regarde le vide, j'ai ma conso. J'ai tourné dans ma vie la perte. Sur la vie de ma mère, ils m'ont poncé. Je roule interminable, il me semble interminable, loin des vermines, ouais. Les vaillants sont déterminés, je suis au deuxième terminal, là c'est terminé. De la tête du bang, je veux m'en aller. Sirop de pêche, une fleur pour l'emballer. On a des discussions peu mignonnes. Je pense qu'au fond de son cœur, y'a le million. Je suis calé dans le VIP de l'établissement. Celui qui la regarde mal, je l'abîme. J'ai pas que t'es monté, c'est y'a eu du piston. Faut pas que tu zigzagues à gauche de piste. Bien sûr qu'il parle mal, on fait de la maille à maille. C'est la merde, j'appelle mon brave. C'est le meilleur à maille à maille. Elle veut des love, du love. Elle vit des commérages. Elle vise comme un homme. Elle kiffe comment je rappe. Faut que tu fais pas la mala. On doit coffrer des billets. Il faut que j'abrite la mama. Crois-moi, j'ai pas oublié. Donc demain, je suis plus là. Je me mets tout bien tassé. J'ai mis le gilet par balle. Crois pas que je t'ai oublié. Viens, je te parle. Reste calme, ouais, je connais ton passé, je connais ton manège. En bête de train de vie, reste au palmin. Chouchoute ton voyou, délaisse ton gamin. Bâtard, on passe à un autre step. C'est avec les grosses têtes qu'on se tape. Enfant de la misère en concert. T'as remarqué le bougnoul en colatesse, ma belle, je veux m'en aller. Il crevait comme Tupac, je te laisse mon bandana. Violence et stup, on s'est fait condamner. J'ai jamais mis le zen comme Tony Montana. Et au fait, je fume de la tête, mon frère, t'es pas un homme. Tu crois me faire mal, wallah, t'es mignon. Que je passe des nuits de fou, mon frère, je suis marabouté. Par des proches qui croient que j'ai le million. Bien sûr qu'il parle mal, on fait de la maille à maille. C'est la merde, j'appelle mon brave. C'est le meilleur à maille à maille. Elle veut des love, du love. Elle vit des commérages. Elle vise comme un homme. Elle kiffe comment je rappe. Faut t'en faire pas la mala. On doit coffrer des billets. Il faut que j'abrite la mama. Crois-moi, j'ai pas oublié. Non, demain, je suis plus là. Je suis mappé tout bien tassé. J'ai mis le gilet par balle. Crois pas que je t'ai oublié. Faut t'en faire pas la mala. On doit coffrer des billets. Il faut que j'abrite la mama. Crois-moi, j'ai pas oublié. Non, demain, je suis plus là. Je suis mappé tout bien tassé. J'ai mis le gilet par balle. Crois pas que je t'ai oublié. Crois-moi, j'ai pas oublié. Crois-moi, j'ai pas oublié.